Je voudrais un autre café, et toi ? Moi aussi. Monsieur, s'il vous plaît, on pourrait avoir deux autres cafés. Et est-ce que vous pourriez retirer ce parasol ? Ça fait trop d'ombre. Fais attention au soleil. Tu devrais garder ton chapeau. Oh non, j'aimerais bronzer un peu. Et après, j'irai bien me baigner, pas toi ? Moi, je ferai bien une sieste sous les arbres.